Paul, je vais à la maternité voir le petit, tu viens ? Ah non, je dois absolument acheter ma Volkswagen. Ça va, elle va pas se sauver, c'est ton neveu quand même. Parce qu'il va se sauver, le neveu peut-être ? Hein ? Il va faire comment ? Il va voler une poussette ? Ah bah non, je suis bête. Il va faire le mur en nouant ses langes. T'es tendu, toi ? Pas du tout. Si. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Depuis toujours, les hommes se sont posé la question des origines et toutes les cultures, sans exception, ont voulu savoir comment les choses ont commencé. Les débuts de l'univers constituent encore une matière importante aujourd'hui de réflexion pour les scientifiques, mais de nombreuses observations confirment la théorie du Big Bang, selon laquelle l'univers a commencé dans un état extrêmement chaud et concentré. L'astrophysicienne Françoise Combes s'intéresse à l'histoire de l'univers et des galaxies. Elle raconte dans un livre qui paraît la grande saga du Big Bang, avec toutes les recherches qui sont menées autour de cette question. Elle est mon invitée dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. La présence des hommes influence aussi les cultures animales, c'est aujourd'hui à la une de la science. Oui Mathieu, aujourd'hui on s'intéresse à la pression de l'humain sur les comportements et les habitudes des animaux, avec l'exemple des chimpanzés dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5 qui sera consacré ce soir à la science de l'alpinisme. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Françoise Combes. Bonjour. Bienvenue, vous êtes astrophysicienne et vous publiez ce livre, Le Big Bang, qui paraît chez Que sais-je. Vous qui êtes une spécialiste des galaxies, quel est le lien direct justement entre vos travaux et la question du Big Bang ? C'est très direct justement le lien, parce que on voudrait savoir d'où nous venons et d'où viennent toutes les structures qui nous entourent, donc les galaxies. Enfin, notre planète est autour d'un système solaire, qui est une étoile parmi les 200 milliards d'étoiles, qui est dans notre galaxie, la Voie lactée, et ensuite nous sommes entourés de 200 milliards de galaxies, oui. Et on voudrait savoir d'où tout cela vient. Oui. On est peu de choses finalement quand même, nous là, dans notre petit système solaire. Hein. Exactement. Mais c'est absolument passionnant. On découvre toujours des choses nouvelles autour des galaxies. On en parlait dans l'émission hier même sur la masse justement de notre Voie lactée. On arrive à la peser maintenant, la galaxie. C'est quelque chose dont on a débattu pendant très très longtemps. Et en effet, récemment, on a lancé un satellite qui s'appelle Gaïa, et qui est un astrométrique, donc il permet de regarder les mouvements propres des étoiles. Donc on les voit pas seulement avec la vitesse des effets Doppler, hein, qu'on est habitué, mais aussi la vitesse, on les voit bouger dans le ciel. Mais alors il faut une grande précision, le millième de la seconde d'arc, et donc ça nous permet de regarder les amas globulaires de la Voie lactée. Donc ces auteurs, là, dernièrement, ont regardé 34 amas globulaires, et par la vitesse de ces amas globulaires, on arrive à retrouver la masse de la Voie lactée. C'est ce qu'on nous expliquait hier à ce même micro, et c'est assez fascinant quand même de pouvoir peser quand même les objets, et aussi la matière noire. Il faut bien dire que c'est très très incertain, même avec Gaïa, qui est quand même formidable, parce qu'on est toujours entre 800 ou 1500 milliards de masse solaire. Ouais. En effet, c'est de la masse invisible la plupart du temps. Absolument. Quelle est la question qui suscite le plus de recherches aujourd'hui autour du Big Bang, finalement ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore réussi à savoir ? Alors, ce qu'on n'a pas réussi à savoir, c'est qu'on a lancé un satellite qui s'appelait Planck en 2009. Il a donné beaucoup de résultats. Il a fini en 2018, donc c'est très récent. Et ce qu'il n'a pas trouvé, c'est la signature des ondes gravitationnelles primordiales, qui sont la signature de l'inflation. Alors l'inflation, c'est ce qui a donné naissance au Big Bang. Donc on ne sait pas l'origine, finalement. Oui, donc c'est encore un grand mystère à résoudre. Mais c'est bien. Les satellites qu'on va lancer plus tard vont peut-être nous donner la réponse. Et ça fait du travail pour les générations futures. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire de l'astrophysique, Françoise Combes ? Eh bien, la physique, surtout. En fait, je n'étais pas un astronome amateur, comme tous ces jeunes collégiens du collège Françoise Giroud de Vincennes, voilà, qui sont avec nous en studio. Et en effet, je ne m'étais pas intéressée encore au cosmos, mais ce n'est qu'après avoir fait des études en physique, je me suis quand même, d'où tout cela peut bien provenir, comment se sont formées les structures, enfin on ne peut pas savoir pourquoi, mais en tout cas comment. Bon. Et donc je me suis intéressée, après avoir fait les études supérieures, à ce que c'était la cosmologie, surtout la cosmologie, d'où venaient les structures. C'est là que j'ai commencé. Bon, vous allez peut-être susciter des vocations. En plus, ils sont du club astronomie du collège, donc c'est déjà plutôt bien parti. Ça intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de filles d'ailleurs dans ce club. Allez, on en parle dans un instant avec vous. Le Big Bang, donc c'est l'objet de ce livre qui sort, et puis bien sûr vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Rappelez-vous, un éléphant n'oublie jamais rien. Rien oublié par mes gardes. Vous dites des sottises, me gère. Un éléphant n'oublie jamais rien. Ah oui. Vous venez d'oublier notre enfant. Oh oui, notre fils. Vite, à mi-tour. Ah. Oh papa, attention! Voilà, pourquoi des éléphants? Pourquoi le livre de la jungle à la une de la science? Eh bien, c'est pour parler du patrimoine culturel des animaux et pour mieux les protéger. Une vaste question, donc, à la une, Axel, aujourd'hui. Oui, Mathieu, que ce soit la mémoire des lieux chez les éléphants, les chants des oiseaux ou même les préférences sexuelles chez la mouche, de nombreux travaux ont démontré qu'il existait chez l'animal une forme d'apprentissage social, une hérédité culturelle. Et dans un papier publié cette semaine dans la revue Science, un groupe de scientifiques se demande comment prendre en compte cet aspect dans notre manière d'interagir avec les animaux. Et pour en parler, pour comprendre cette partie souvent oubliée de ce que nous appelons l'évolution, nous recevons l'écologiste du comportement, Étienne Danchin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite pour le CNRS au laboratoire Évolution et Diversité Biologique à Toulouse. Alors, quand est-ce que les biologistes et les naturalistes ont commencé à parler de patrimoine culturel ou de culture chez l'animal ? Alors, chez l'animal, ça date d'à peu près, ça a commencé sérieusement dans les années 80. Et puis maintenant, c'est un mouvement qui est très clairement en accélération, avec beaucoup de recherches qui se font sur l'existence de phénomènes culturels, donc de transmission sociale de génération en génération, chez les animaux et chez tout type d'animaux, puisque vous avez cité différentes espèces. Et comment est-ce qu'il faut comprendre cette notion plus concrètement? Qu'est-ce que c'est le patrimoine culturel d'un groupe de merles ou de dauphins, par exemple? Alors justement, au départ, on définissait la culture d'une manière très centrée sur l'humain, et donc ces définitions étaient peu appropriées à l'étude des animaux. Et du coup, on a assez négligé ce problème chez les animaux. Mais en fait, un moyen de le redéfinir de manière plus générale, c'est de se concentrer sur l'essence même du processus culturel. C'est quoi l'essence même du processus culturel? Eh bien, c'est le fait que c'est une transmission sociale. Si je parle français avec vous là, maintenant, c'est parce que mes parents me parlaient français. Et j'ai appris, et puis mes voisins, etc., cette langue par mes congénères. Eh bien, c'est ça le phénomène culturel. Et quand on se focalise sur ce phénomène principal qu'on appelle l'apprentissage social, l'apprentissage par les autres, en imitant les autres, eh bien, on se rend compte que ce processus de transmission existe chez beaucoup d'animaux, beaucoup plus qu'on ne le pensait au départ. Alors, dans l'actualité récente, comme exemple, on peut citer une étude de primatologues suisses parue la semaine dernière. Ils ont observé des groupes de chimpanzés et ils montrent que plus ce groupe vit proche des hommes et moins son patrimoine culturel est développé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? Alors, c'est clair que une culture se développe dans un habitat donné, et quand cet habitat est fortement chamboulé, dans le cas présent par la présence d'humains dans les environs, eh bien, cette culture peut être complètement érasée, détruite par le fait que, bon, par exemple, les individus, imaginez qu'il y a un système de chasse qui fasse que les chasseurs visent plutôt les anciens, ceux qui ont le savoir, qui vont donc transmettre, eh bien, on peut très rapidement déstabiliser le système et donc faire disparaître la culture animale. Ça peut expliquer très bien cette situation particulière qui est décrite dans cet article. Plus globalement, l'homme est délétère pour le patrimoine culturel animal dans le monde? Ça serait un peu rapide de le dire, mais là, c'est la première fois qu'on met en évidence le fait que si on compare la diversité des cultures, des différentes manières de se comporter, des populations de chimpanzés, selon qu'ils sont proches ou loin de l'activité humaine, eh bien, il y a une relation très forte. Plus ces populations sont proches des populations humaines, moins elles ont une culture diversifiée, complexe. C'est très surprenant, en fait. Il est important aussi de comprendre que ces connaissances sociales dont vous parlez pour les animaux, c'est un moyen de survivre. Chose que nous, pour les hommes, quand on parle de culture, on a un peu oublié. Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est un moyen de s'adapter à l'environnement. Hein. Si mes parents ont survécu en cassant des noix très nourricières avec des pierres, eh bien, c'est la preuve. Le fait que je sois là, c'est la preuve même que c'est efficace. Et donc, moi, en tant que jeune qui me développe, j'ai intérêt à imiter, à copier la manière de faire de mes parents. Et c'est un moyen d'être par définition, très rapidement adapté à mon environnement. Et si mon environnement change un petit peu, les congénères vont s'adapter. Et moi, jeune, en train d'apprendre à survivre dans le milieu dans lequel je vis, en imitant mes anciens, les anciens qui sont là, le simple fait qu'ils soient anciens et qu'ils soient là montre qu'ils ont été efficaces, qu'ils ont survécu. Donc c'est un très très bon, une très bonne stratégie que de copier les anciens qui ont le savoir. Une fois qu'on sait ces choses-là et qu'on a pris en compte cette composante de l'évolution, comment on applique ces connaissances pour mieux interagir avec les animaux, mieux les protéger ? Alors c'est assez compliqué, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que la diversité qui est la matière première de l'évolution, c'est la base même de la sélection naturelle et donc de l'évolution et donc de l'adaptation, cette matière première, cette diversité, elle est sensible à plein d'éléments de contexte, elle est supportée par plein de mécanismes différents. Quand je parle de diversité, les gens pensent tout de suite génétique, mais en fait, il y a aussi d'autres formes de diversité transmises de génération en génération qui sont transmises par d'autres canaux, par d'autres systèmes, on parle d'avatars, d'autres canaux de support d'information, et le phénomène culturel en est un par exemple. Là, le support, c'est la transmission, c'est le copiage, c'est le lien social en fait qui génère cela. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des programmes de conservation qui prennent vraiment concrètement en compte ces éléments, par exemple laisser vieillir des individus ou faire moins de bruit à certaines périodes pour que les oiseaux puissent apprendre à chanter à leur descendance ? Tout à fait, ces deux exemples sont tout à fait ont été étudiés et sont vraiment réels. Le fait d'avoir une population qui perd ses anciens, ça peut complètement déstabiliser la structure, la culture générale. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'homme où cela s'est passé. On sait très bien que les Romains savaient faire des choses et que pendant le Moyen-Âge, on ne savait plus faire. Je pense au ciment, par exemple, aux manières de construire les bâtiments. Les Romains avaient inventé une espèce d'équivalent de ciment. Et donc, on a complètement oublié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des périodes de troubles à la fin de l'Empire romain. Période de troubles qui ont entraîné, qui ont déstabilisé le système. Il n'y a plus la transmission culturelle classique d'enseignants à jeunes, etc. Et en conséquence, on a perdu cette information et il a fallu des siècles pour la retrouver. Donc, c'est un phénomène très général chez l'humain, mais qu'on peut tout à fait imaginer chez bien d'autres espèces. Et ça peut expliquer, par exemple, l'exemple que vous avez discuté au début, de la disparition de la plus faible diversité des comportements culturels chez les chimpanzés quand ils sont proches des populations humaines. Merci beaucoup, Étienne Danchin. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS dans ce laboratoire, donc Évolution Diversité Biologique de Toulouse. Merci beaucoup. Et puis Axel, on se retrouve lundi. Oui, à lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un coup de frein sur la technique CRISPR d'édition de l'ADN. Un groupe international de scientifiques et de bioéthiciens, parmi lesquels la Française Emmanuelle Charpentier, a signé hier dans la revue Nature un appel au moratoire concernant l'utilisation des fameux ciseaux à ADN sur l'embryon. L'utilisation de CRISPR chez l'homme est sur le point d'échapper à tout contrôle, précise-t-il. L'OMS pourrait également mettre le pied dans la porte et appuyer cette initiative, car le 18 mars prochain, un groupe d'experts se réunit à Genève pour débattre des défis scientifiques, éthiques, sociaux et légaux de l'édition du génome, une affaire donc à suivre. Les cochons de Stonehenge, il y a 4000 ans en Angleterre, les hommes ont érigé de gigantesques monuments de pierre et de bois, et depuis nous cherchons à comprendre pourquoi. Dernièrement, de grandes quantités d'os de cochons découvertes dans des fosses à proximité laissent penser que se tenaient en ce lieu de gigantesques fêtes. Dans une étude parue aujourd'hui, des chercheurs ont analysé ces os et conclu qu'ils viennent d'un peu partout en Angleterre. Chacun apportait donc son ou ses cochons comme contribution au banquet. Et puis pour terminer, une pièce de monnaie en l'honneur de Stephen Hawking pour célébrer l'anniversaire de sa mort il y a un an tout juste. La gravure représente un trou noir surplombé de la fameuse équation décrivant l'entropie de ces objets. Équation cruciale que nous devons à l'astrophysicien anglais. La pièce en argent ne sera pas mise en circulation. Elle sera en vente exclusivement sur le site de la Royal Mint en charge de frapper la monnaie britannique. Et justement, le Big Bang, c'est le dossier dans un instant. Long windness, cool. Saying Goodbye et la voix de J.S. Andara à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, le Big Bang, c'est donc notre dossier cet après-midi. Vaste sujet avec vous, hein, Françoise Combes. On va donc plonger au cœur de nos origines à l'occasion de la parution de votre livre aux éditions Que sais-je. Vous êtes professeur au Collège de France où vous occupez cette chaire galaxie et cosmologie. Rien que ça, je trouve que ça fait rêver. Et vous êtes membre de l'Académie des sciences et astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Et les auditeurs donc nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Je disais tout à l'heure, donc on a ces élèves du club d'astronomie du Collège Françoise Giroud de Vincennes, qui, je crois d'ailleurs, bientôt vont aller à l'Observatoire de Paris, parce qu'on peut y voir des choses intéressantes là-bas, oui, pour le public. Oui, on peut hein. visiter. Il y a des Quelle est la pièce majeure à découvrir là-bas? Il y a la coupole d'Aragon, ouais. avec la célèbre lunette, qui était la plus grande lunette du monde à l'époque. Maintenant, évidemment, c'est un musée. Ouais. Et donc, vous recevez des visiteurs de temps en temps et régulièrement pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie. Et nous avons déjà des questions pour vous qui arrivent également au standard, Françoise Combes. Alors, la toute première qui est arrivée, moi, je l'aime beaucoup parce qu'on n'a pas de réponse à cette question pour l'instant. C'est Bernard qui vous demande, mais avant de parler du Big Bang, il y avait quoi avant? Question très simple. On n'a aucune réponse, mais on a plusieurs idées. Oui, quand même. Donc d'abord, il y a une idée très simple, c'est qu'il n'y a rien. Ouais. C'est-à-dire qu'on pense que peut-être le temps et l'espace se sont créés à ce moment-là. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qui font... Alors, on ne connaît rien, en fait. Pourquoi on ne connaît rien? C'est que même la physique fondamentale, on ne la connaît pas. Puisque à ce moment-là, lorsque tout l'univers que l'on connaît s'est réuni dans un point, on voit que toute la densité sera énorme. Il y aura une petite taille qui sera 10⁻¹⁵ mètres, donc ouais. tout petit. Et à ce moment-là, la physique quantique doit arriver en action, et donc la gravité et la mécanique quantique ne sont pas unifiées. Ouais. On ne sait pas ce que fait la gravité quantique. Alors pour l'instant, il y a des modèles. C'est-à-dire que les lois que nous connaissons aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner à Exactement. Ce moment-là du temps, c'est Exactement. Ça Exactement. Alors ouais. on essaie d'inventer des lois. La loi de gravité quantique, par exemple, une gravité quantique à boucle, ou bien la théorie des cordes, ou bien... Pour l'instant, c'est en travaux. Ouais. Rien ne marche vraiment bien, donc on essaie, on cherche. On cherche depuis longtemps, puisque même Einstein commençait à chercher. C'est vrai. C'était près d'un siècle. Et donc là, dans la gravité quantique, par exemple, à boucle, on pense que le Big Bang va rebondir. Donc ce serait un Big Crunch avant le Big Bang. Ouais. Et ainsi, il y aura un cycle. Alors ça, c'est satisfaisant à l'esprit, parce qu'il n'y a pas de début ni de fin. Ouais. Donc il y a une espèce de vertige là quand même aussi voilà. dans la conception même de ce qu'il y avait avant et puis ce que nous connaissons aujourd'hui des origines de l'univers. Ça, concrètement, ça représente beaucoup d'équipes de recherche dans le monde, ce type de questions avant le Big Bang par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'équipes qui travaillent là-dessus. Tout à fait, parce que en fait c'est surtout le principe fondamental de la gravité quantique. Ça pourrait même avoir des applications dans notre vie courante. Hein, ah bon? Parce qu'on sait bien que la mécanique quantique, il y a des fluctuations du vide, mm-hmm. il y a de la cryptographie quantique dont on se sert pour les codes dans les ordinateurs, tout ouais. ça. Donc si on comprenait mieux ce que fait la gravité quantique, que peut-être il y aurait des applications. On n'en sait rien aujourd'hui, ouais. évidemment, mais il y en aurait peut-être. Et donc c'est pour ça qu'il faut On ne peut pas savoir quel type d'application il y aurait. Absolument non, si on pas. Maîtrisait tout ça, c'est compliqué de le dire, évidemment. Aujourd'hui, 14 mars, alors c'est une date tout à fait particulière, c'est la date anniversaire d'Albert Einstein, mais c'est aussi le premier anniversaire de la mort de Stephen Hawking, c'était l'année dernière. Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer, Françoise Combes? Oui, oui, bien sûr. Au tout début, quand j'étais étudiante, j'étais à un colloque et il était au début de sa maladie, en fait. Déjà, ouais. il commençait à être en chaise roulante, mais il pouvait parler et on avait assisté à son speech au colloque. Oui, ouais. c'était assez fascinant de le voir parce qu'il commençait à être un peu handicapé. Donc, puis ensuite, progressivement, on l'a suivi dans plusieurs colloques et à la fin, il était très, très handicapé, il ne pouvait plus parler. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de l'objet, justement, de cette présentation de Stephen Hawking, de quoi il parlait à l'époque? Parce en que fait, c'était déjà c'était des trous noirs, mais je ne me souviens plus exactement des détails. Effectivement. Alors, Fanny Boyon a retrouvé l'extrait d'un documentaire dans lequel Stephen Hawking, sa voix française, évidemment toujours par le biais de cette machine vocale, hein, racontait justement ce jour où il a rencontré le pape Jean-Paul II au Vatican. C'était en 1981. Écoutez, ça vaut le détour et c'est au tour justement du Big Bang. L'intérêt que je portais à l'origine et au destin de l'univers s'est ravivé lorsque j'ai suivi une conférence sur la cosmologie au Vatican. À la fin de l'exposé, le pape nous a accordé une audience. Il nous a dit qu'il estimait que c'était une bonne chose d'étudier l'univers après le Big Bang, mais qu'il ne fallait pas étudier le Big Bang lui-même, parce que c'était le moment de la création, et de ce fait, l'œuvre de Dieu. Heureusement, il ignorait le sujet de la communication que je venais de faire. À savoir, la possibilité d'un non-commencement de l'univers, et donc d'une absence de toute création. Voilà, c'est assez croustillant hein, cet extrait quand même sur cette rencontre avec le pape Jean-Paul II en 1981. C'est un sujet qui reste tabou ou pas avec pas le Vatican? Pas du tout. En fait, on a des colloques au Vatican. Ouais. Il y a aussi des astronomes, des jésuites. José Funès, par exemple, qui est un collègue que je connais bien et que nous travaillons même ensemble, qui a fait des colloques au Vatican et ils ont beaucoup d'humour. Oui, mais au-delà de l'humour, est-ce qu'ils acceptent finalement les théories de la physique aujourd'hui? Absolument, ouais. Absolument. Pour eux, rien n'est tabou et donc ils travaillent même sur le Big Bang ou sur les galaxies ou sur aucun tabou, non. Mais comment c'est compatible avec une histoire de la création divine alors? Eh bien, c'est complètement ailleurs, je pense. Hein. C'est, c'est une autre dimension. Ça n'est pas incompatible alors finalement. C'est pas du tout incompatible, non. Donc il peut y avoir la croyance d'un côté et la science de l'autre. Voilà. Et ça peut cohabiter parfois, apparemment. Voilà. Il faut penser qu'on a un univers à plusieurs dimensions. Hein. Peut-être 26 dimensions. C'est ça. Ça fait partie des dimensions. Françoise Combes, vos travaux, on le disait tout à l'heure, portent essentiellement sur la formation, l'évolution, la composition des galaxies. Comment concrètement ça peut intéresser également nos collégiens, vous travaillez sur ces questions. Comment est-ce qu'on bosse au quotidien autour d'une question comme la galaxie, par exemple, ou les galaxies? Alors, on a énormément de moyens pour travailler. On se sert des satellites, des télescopes, et puis aussi des ordinateurs pour faire des simulations numériques. Ouais. Donc, il y a énormément d'hypothèses. Donc, on a des problèmes, on voit des observations qui nous posent problème. Et donc, on essaie d'avoir des idées. C'est là que l'imagination et la créativité sont très importantes. Ouais. Donc, on travaille un petit peu tout le temps, même dans les loisirs. On a des idées tout d'un coup et on les note sur un papier. Mais on travaille tout le temps, en fait. Ce n'est pas seulement au travail, au bureau. Le cerveau n'est jamais au repos. Voilà, les idées viennent comme elles veulent. Et ensuite, lorsqu'on est au travail, on peut regarder et tester ces idées, faire des simulations pour les tester. Puis ensuite, faire des propositions d'observation sur télescope pour vraiment prouver que ce qu'on a dit était vraiment... ce qui se passe dans la réalité. Ouais. Donc, alors, ça veut dire qu'une fois que vous avez une idée et qu'elle vous semble solide, vous faites appel à un télescope qui peut se trouver, par exemple, au bout du monde, au Chili, et vous demandez une fenêtre d'ouverture pour pouvoir observer l'idée à laquelle vous avez pensé. C'est exactement. Comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça. Alors, il y a beaucoup de ce qu'on appelle date limite, date mortelle, comme on dit deadline en anglais. Date mortelle. Date mortelle, parce que si on dépasse cette date, on ne peut plus faire de proposition. Donc, il y a vraiment un jour comme ça, et il y en a plusieurs dans l'année. Parce que chaque télescope a sa date limite. Ouais. Et donc, on demande une certaine proposition, tel jour, telle heure. Et puis, dans le télescope spatial, par exemple, le Hubble Space Telescope, il y a des propositions une ou deux fois par an. Et donc, on fait des propositions en quelques pages. On travaille beaucoup pour que ce soit excellent. Et ensuite, il y a un jury qui regarde. Et il y a peut-être que 10% des demandes qui sont acceptées. Ah oui, donc c'est très frustrant. Ah oui, oui. Parce enfin, on en fait 10. Hein, donc, oui, finalement, mais il y a si vous avez une idée qui vous semble assez géniale, intéressante en tout cas, et qu'elle est refusée du point de vue de l'observation, On persévère, on continue la date limite suivante. Donc il faut être très jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Il faut être très très entêté. Donc votre travail finalement, c'est d'ouvrir d'abord un ordinateur le matin. Exactement. Voilà, ou un carnet. Non, un ordinateur, les carnets, c'est fini. C'est fini les carnets. Donc pour y noter en tout cas vos idées. Exactement, oui. Et vos formulations. Et surtout, la première chose que je fais en arrivant le matin, c'est de regarder les idées des autres, parce qu'il y a dans l'archive moins 100 papiers. Donc j'essaie de regarder les titres au moins, les résumés, pour savoir si c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne faut pas avoir des idées tout seul. Si quelqu'un l'a déjà eu, cette idée, ben, elle est un petit peu... Qu'est-ce que c'est que l'archive, alors? Alors l'archive, c'est une base de données, un recueil de publications en ligne. Maintenant, il n'y a plus de papier. Les journaux ne sont plus publiés sur papier. Donc, et chaque matin, il y en a une centaine en astrophysique. Il y en a, que ce soit des exoplanètes ou des galaxies. Et ça vient du monde entier. Et ça vient du monde entier. Et ça phosphore sur la planète entière pour essayer de répondre. Et on est un petit peu frustré lorsque tout d'un coup on voit l'idée qu'on avait proposée, qu'on croyait très originale, elle est déjà publiée. Ah oui, ça doit être assez agaçant, effectivement. Jean-Pierre demande, l'état initial de l'univers était dense, chaud, point d'interrogation, et le Big Bang n'est-il pas issu d'une explosion? Alors quel est le scénario? Oui, on peut parler d'explosion parce que tout l'univers qui nous entoure, alors l'univers en fait il est sans doute infini, donc c'est difficile de le définir, mais on peut définir un horizon. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas regarder au-delà de l'horizon, puisque les galaxies qui sont au-delà de l'horizon et qui nous envoient de la lumière, elles envoient avec la vitesse de la lumière, mais elles sont à une distance plus grande que ce que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Ouais. Donc on ne la verra jamais. Donc on voit bien qu'il y a une horizon. Donc cet horizon, on a donc 300 milliards de galaxies. Il faut penser que dans le Big Bang, elles sont toutes réunies en 10^-35 mètres sous ces galaxies. Incroyable. Et donc, c'est extrêmement chaud, extrêmement dense. Donc, lorsque ceci se rentre en expansion, c'est vraiment une explosion. Ouais. On peut parler d'explosion. On a la température ou pas? Ah ben ça va jusqu'à l'infini. Ouais. Mais enfin, l'infini s'arrête justement à cette petite taille quantique de 10^-35. Donc, je ne sais pas combien de zéros il y a, mais il y a beaucoup de zéros. Françoise Combes, vous êtes notre invitée cet après-midi dans La Tête au Carré. D'autres questions pour vous sur franceinter.fr. C'était Vodou Game. La Tête au Carré. Sur France Inter. Voilà, Françoise Combes avec le Big Bang qui paraît aux éditions Que sais-je pour parler avec nous des origines de l'univers. Quelles sont d'ailleurs les découvertes qui ont marqué votre vie, Françoise Combes? Que l'on vous doit, évidemment. Ah oui. En fait, au début, donc, j'étais partie sur un modèle d'univers de matière-antimatière, et la première découverte qu'on a faite était très négative, puisqu'on a montré que ça ne marchait pas. Ouais. Donc on a éliminé le modèle. C'est une découverte en quelque sorte. Ah oui, c'est pas mal. Vous en êtes bien sorti. Ouais. Donc on a dû faire autre chose. Hein, Mais c'est en fait le cas le plus général parce qu'il y a peut-être 99% des idées nouvelles qui échouent et il y en a 1% qui gagne. Hein, donc mais ça permet de faire avancer la connaissance quand même. Ça permet, voilà, exactement. Donc vous ne le vivez pas comme un échec au fond. Non, finalement on le publie. Ouais. Et c'est quand même mis à notre actif parce qu'on a éliminé une possibilité. Donc vous apportez quelque chose finalement. Voilà. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est... Et alors une autre découverte. Plus positive. Plus positive. Donc on s'est tourné sur la formation des galaxies, donc et l'évolution du gaz en fait. Pour former les étoiles, il faut du gaz, donc pour former les galaxies, au départ tout est gaz. Et donc on voulait connaître le gaz à des différentes distances, et donc on a découvert une absorption de gaz moléculaire, personne ne l'avait vu avant. Et on en a découvert 4 ou 5, aujourd'hui il y en a 6 ou 7, pas plus. Et donc on a découvert les principales. Elles sont très intéressantes parce qu'elles sont très lointaines, elles peuvent aussi échelonner la mesure de la température du fond cosmologique, de la siège du Big Bang. Donc on a pu le mesurer à différentes distances, alors que normalement les expériences comme Planck, qui regarde ce fond cosmologique, l'ont qu'à une seule date, finalement, dans l'univers. Et puis aussi, cette absorption est très fine. C'est du gaz très froid qui est entre nous et les quasars très lointains. Et ça permet de savoir si les constantes de la physique varient. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait, Dirac et puis d'autres, s'étaient posés dans un certain temps. Est-ce que, en fonction du temps, les constantes de la vitesse de la lumière, par exemple, est-ce qu'elle ne va pas plus vite autrefois, ou la constante de la gravité était différente? Et donc on a pu le mesurer avec ces absorptions très fines, et on a pu regarder que jusqu'au Big Bang, quand on remonte jusqu'au Big Bang, ça ne variait pas de 10-5 à 10-7 près. Ouais. Mais alors constante. Vous arrivez à remonter au Big Bang, ou aux limites du fond diffus cosmologique? Alors, aux limites du fond diffus, mais c'est quand même très très près du Big Bang. C'est 380 000 ans après le Big Bang, hein, c'est ça. Alors c'est que l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Ouais. Donc c'est très proche, c'est une paille par rapport. Absolument. Mais pourquoi il y a cette petite marge alors entre le Big Bang et ces 380 000 ans? C'est une très bonne question. L'univers est opaque à ce moment-là parce que l'univers est très chaud. Donc à cette température-là, la matière est ionisée. C'est plus des atomes d'hydrogène, mais c'est le proton et l'électron de chaque côté. Il n'y a pas de lumière à ce moment-là? Il y a de la lumière quand même parce que c'est très chaud. Ouais. Mais la lumière est continue et il n'y a pas de la lumière d'étoile. Il n'y a pas d'étoile. Ouais. Il y a un plasma continu. Et en fait, si il devait y avoir quelque chose, ce serait absorbé par les ions. Et les ions diffusent les photons, les grains de lumière. Et donc, c'est comme si on regardait cette vitre, si elle était opaque. La vitre qui nous sépare du technicien. Ce serait une vitre un petit peu translucide, mais pas transparente. Et c'est ce qu'on voit là, 380 000 ans, on a comme une vitre opaque et on ne voit pas derrière. Ouais. On pourrait remonter au-delà un jour ou pas? Alors justement, par ces fameuses ondes gravitationnelles, vous savez qu'on a détecté en 2015 les ondes gravitationnelles. C'est une autre façon de regarder parce que c'est pas de la lumière électromagnétique. Et donc, on cherche ces ondes primordiales. Ouais. Parce qu'en fait, le Big Bang, c'est une super explosion. Peut-être l'inflation aussi, c'est fantastique. Et donc, ça a secoué l'univers de façon qu'on peut pas s'imaginer. C'est vrai. Et donc, ça a fait des ondes gravitationnelles. Donc, l'espace est en train d'onduler et d'osciller. Et nous sommes encore sous le choc de ces ondes. Oui, on peut les détecter aujourd'hui. Donc c'est comme si on envoyait une pierre au milieu d'un lac, on reçoit ces ondes, ces vaguelettes, et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Dans tout l'univers, voilà. Ouais. Alors, c'est faible, évidemment. Vous savez que pour les détecter, même s'il y a 2 trous noirs qui rentrent en collision, ça fait aussi une grande explosion. Et on a des petits détails entre les longueurs de l'espace d'un côté et de l'autre. On a des 10-21. 0,0 avec 21 chiffres, c'est vraiment extrêmement petit. Donc c'est ça qu'on cherche en fait, à voir les ondes gravitationnelles primordiales. Et avec ces ondes, on pourrait voir donc un peu plus loin encore. Exactement, on pourrait savoir ce qu'il y a avant le Big Bang. Ah ça, ce serait formidable. Est-ce qu'on est prêt de pouvoir publier là-dessus? Oui, on croyait qu'on pouvait. D'ailleurs, le satellite Planck était un peu construit pour ça. Le satellite Planck a regardé les micro-ondes, qui sont la lumière, vestige du Big Bang. Et il y avait notamment aussi une expérience au pôle sud, BICEP 2, et qui a tout d'un coup publié qu'ils avaient détecté ces fameuses ondes. Eux aussi se sont trompés alors. Ils se sont trompés. Voilà. Mais eux, ils avaient confondu finalement la polarisation qui est une signature de ces ondes avec la polarisation de la poussière. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de poussière dans ce coin-là, il y avait plein de poussière. Françoise Combes, dans votre ouvrage justement Le Big Bang, on retrouve tous ces grands noms qui ont marqué l'histoire aussi autour des origines de notre univers. Et parmi elles, justement un religieux, c'est l'abbé Georges Lemaître, un abbé belge, comme quoi justement les religieux aussi ont beaucoup apporté à la science. Absolument, c'est un grand scientifique et on a fait remonter la découverte de l'expansion de l'univers à Hubble, qui en effet en 1929 a publié là-dessus, mais Georges Lemaître, là, en 1927, donc 2 ans avant, avait déjà publié en français qu'il y avait sans doute une expansion de l'univers à partir d'un Big Bang. Donc c'est lui qui est à l'origine finalement de la découverte du Big Bang, mais Il l'avait écrit en français, ça n'avait pas traversé l'Atlantique. Ouais. Donc c'est un religieux qui est à l'origine de la découverte du Big Bang, ça c'est exactement. Quand même pas mal par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure de Jean-Paul II. On va écouter la voix de Georges Lemaître autour de l'expansion de l'univers, c'était en 1950, au micro de l'RTF. La période actuelle d'expansion accélérée a été précédée d'une période de ralentissement et d'instabilité où la matière préstellaire s'est groupée en galaxies. Cette période de ralentissement a été précédée elle-même d'une période d'expansion rapide, dont le début est marqué par une valeur théoriquement nulle du rayon de l'espace. Il est clair que nous devons identifier cette valeur initiale du rayon de l'espace avec le début de la désintégration de l'atome primitif. De la sorte, les produits de la désintégration progressive pourront toujours remplir uniformément l'espace fermé de volume fini, d'abord très petit, théoriquement nul, mais qui atteindra rapidement des dimensions astronomiques, en même temps que la fragmentation sera assez avancée pour que les morceaux ne consistent plus qu'en des atomes stables. Voilà, Georges Lemaître en 1950. Oui, c'est fantastique ce témoignage. Pourquoi c'est fantastique? Alors, dites-nous. De l'entendre, moi j'ai jamais entendu sa voix. Donc. C'est vrai? Non. Ah ben voilà. Ouais. Il a beaucoup apporté alors Ah oui, en fait, on a l'an dernier, l'Union Astronomique Internationale a rebaptisé la loi de Hubble, la loi de Hubble-Lemaître. Parce qu'en fait, il fallait le rendre à César ce qui est à César, puisque c'est lui qui a découvert, donc on lui doit beaucoup. Ouais. Les questions des auditeurs. Denis demande quelle est la vitesse de rotation de l'univers. Il y a une vitesse qu'on connaît bien aujourd'hui, Françoise Combes. En fait, l'univers ne tourne pas. Ouais. Il n'y a pas de vitesse de rotation. L'univers est en expansion. Ouais. Par contre, donc, par rapport au Big Bang, il se dilate. Et ça, justement, l'abbé Georges Lemaître l'avait découvert avant même. Einstein n'aimait pas ça. En fait, c'est pourtant les équations d'Einstein qui étaient à l'origine. Et que Georges Lemaître a vraiment pris au sérieux, mais Einstein ne voulait pas, il voulait un univers statique. Ah oui. Il pensait pas du tout que c'était dynamique, il voulait que ce soit infini, toujours pareil. Donc il s'est trompé, Einstein? Ah, Einstein s'est trompé. Lui aussi. Bien sûr. Ah bon. Pour ça qu'il a rajouté vite une constante. Ouais. Pour que ce soit stationnaire. Et puis Georges Lemaître a dit non, c'est pas la peine, puisqu'il y a une expansion de l'univers. Ouais. En fait, l'univers est en effet en expansion rapide. Éric demande, vous avez indiqué tout à l'heure que la température du mur de Planck était infinie. Ce n'est pas forcément ce que disent tous les astrophysiciens au vu des modèles des cordes ou de la gravité quantique à boucle. Oui, tout à fait. J'étais tout de suite presque infinie. Hein. Elle n'est pas infinie du tout. Il faut s'arrêter à un niveau, justement, la taille de Planck, qu'on disait tout à l'heure, très petite. Ouais. Et donc, la température va avoir un plafond, bien sûr. Françoise Combes, vous êtes avec nous cet après-midi. M'empêcher d'y croire, quand la nuit sonne ses derniers coups, j'irai jusqu'au bout. J'aurais voulu oh, quelque chose de bien. J'aurais voulu sur le trottoir, comme chaque soir, je te raconte l'histoire des larmes de rue dans les bars qui puent, les regards moisis et les corps meurtris. Allons Paris, tout est fini, et putain, je suis fatigué. J'aurais voulu oh, quelque chose de bien. J'aurais voulu. tu ne te souviens plus de rien, tu oublies un peu plus chaque matin, et ta mémoire coule le long des trottoirs. Oh, en noyant mon désir dérisoire. J'aurais voulu que tu me dises bien. J'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. Allô Paris, tout est fini, tout est foutu. J'aurais voulu, j'aurais voulu, oh, oh, oh. J'aurais voulu, oh, oh, oh. Quelque chose de bien, j'aurais voulu. Allô Paris, c'était Mano Solo. La tête au carré sur France Inter. Voilà, Françoise Combe est avec nous pour nous parler du Big Bang à l'occasion d'un livre qui paraît donc aux éditions Que sais-je. Et nous sommes toujours avec nos camarades du club astronomie du collège Françoise Giroud de Vincennes. Est-ce que vous êtes souvent amenée, vous, Françoise Giroud, académicienne, Françoise Combe, académicienne, à rencontrer justement le jeune public? Oui, oui, oui, bien sûr. Je fais des conférences grand public pour tout public, donc ouais. Des jeunes, des moins jeunes, etc. Ouais. C'est facile d'expliquer le Big Bang aux plus jeunes? C'est très difficile. Parce que là, on a des classes de la 6e à la 3e avec le club d'astro. Est-ce que, par exemple, Elisa, qui a voulu absolument vous poser une question et qui voulait parler dans le micro, donc on l'a accueillie avec beaucoup de plaisir. Bonjour Elisa. Bonjour. Est-ce que ça t'a paru compliqué, ce que tu as entendu là depuis le début sur l'expansion de l'univers, sur les origines du Big Bang? Ouais, un peu, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. C'est ça, c'est les chiffres surtout qui sont compliqués? Oui. Ouais. Alors, quelle était la question que tu souhaitais poser ou reposer d'ailleurs à Françoise Combe? C'était pour savoir combien il y avait de galaxies. Oui, ça c'est une bonne question, parce que comme on a défini tout à l'heure l'horizon, on peut les compter. On les a comptés avec le télescope spatial Hubble, et puis on extrapole, parce qu'en fait ça dépend de la masse de la galaxie la plus petite. Donc on est tombé sur le chiffre de 300 milliards. Mais ça change tout le temps, non? Mais oui, ça change tout le temps, parce que... Il n'y a pas si longtemps, c'était quasiment la moitié, 200, non? Oui, oui, bon. Parce qu'on les prend de plus en plus petites. Puis maintenant on découvre des petites galaxies, toutes petites, alors il y en a de plus en plus, évidemment. Ouais. Donc bientôt, il y en aura trois fois plus, c'est sûr. Oui, parce qu'on n'est pas au bout de nos découvertes, en fait. Ah non, non. Ouais. Mais là, de toute façon, on ne les a pas comptées une par une, on les extrapole par rapport à un petit coin de l'univers, ouais. On regarde et puis on extrapole à tout le reste, évidemment. On suppose qu'il y en a même partout. Bon, ça reste quand même assez impressionnant, Elisa. Ouais. Hein. Alors, la composition de l'univers, parce que là aussi, de quoi là, est fait cet univers? C'est encore un mystère? Ah oui. On a quand même quelques indications, non? Ah ben, on a des indications qu'on ne voit que 0,5% de ça. C'est-à-dire que regarde toutes les galaxies, tout ce qu'on voit en optique, etc. Donc les galaxies, c'est 6% de la matière ordinaire. Mais la matière ordinaire, c'est 5% du total. Oui, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et donc ensuite, il y a 25% de matière invisible, matière noire, qu'on sait être faite de particules bizarres, exotiques, qu'on n'a jamais trouvées. Mmh. Et puis il y a 70% qui est de l'énergie noire, et dont on a besoin pour accélérer l'expansion de l'univers. Et on a découvert cette accélération en 1998. Donc c'est assez récent. C'est très très récent, ouais, effectivement. Et on voit le travail des scientifiques qui quasiment se passe le relais avec les connaissances qui permettent aux suivants justement d'avancer et d'en faire à nouveau de nouvelles. Oui, on a des télescopes comme ça. On a envoyé dans l'espace beaucoup de télescopes justement pour regarder la lumière du Big Bang. Il y avait d'abord COBE, WMAP et Planck, qui est le satellite européen qui a fait le dernier mot sur ce Big Bang. Et donc tout ça nous a apporté énormément de renseignements. Ouais. C'est grâce à Planck, le plus récent de ces télescopes, qu'on a pu dater l'âge de l'univers. Oui, 13,8 milliards d'années. Voilà, 13,8 milliards d'années. Ouais. Donc ça, on l'a fait avec beaucoup plus de précision encore qu'auparavant. Beaucoup plus de précision qu'auparavant. Ouais. On avait déjà une petite idée, mais enfin là... Et là, ça colle bien avec l'accélération de l'expansion. Parce qu'autrefois, il y a 20 ans, donc, on avait un petit problème. On n'avait pas de cette constante cosmologique que Einstein avait... refusé finalement, à la fin il dit non, je me suis trompé, elle n'existe pas cette constante, et on l'avait suivi pendant 70 ans, 80 ans, et puis ensuite, en 1998, on s'est aperçu qu'elle était là, cette constante, et on pense que soit c'est une constante cosmologique, soit c'est quelque chose de dynamique, une énergie noire. Et donc, c'est là que le mystère est encore très, très épais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait découvrir, Françoise Combe, au-delà de la matière noire et de l'énergie noire, d'autres constituants exotiques de l'univers? Est-ce que c'est envisageable, là, ça? Je pense que non, c'est fini. Ah. C'est fini. On a fait le tour. Pourquoi? Parce qu'on sait que la courbure de l'univers, L'univers est plat, il n'a pas de courbure. Et pour cela, ça représente tout le contenu de l'univers. Donc, on n'aurait pas un univers plat si on n'avait pas ces trois composants. Ouais. Donc, on pense que le composant, enfin, ça fait déjà pas mal. On a déjà les ingrédients, alors, on finalement. On a les ingrédients, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais... Nicolas dit sur franceinter.fr, si l'univers se dilate, peut-on déterminer le lieu de départ, c'est-à-dire le centre de l'univers? Est-ce qu'il y a un cœur à l'univers? Il n'y a pas de centre, évidemment. On a le principe de Copernic, maintenant, qui dit qu'on n'est jamais au centre, comme la Terre était autrefois au centre de l'univers. Maintenant, plus personne n'est au centre, dans ce principe. Et en fait, il y a des Big Bang partout. Il y a un nombre infini de Big Bang. Mais ça nous a fait du bien, nous, d'ailleurs, à l'homme, de nous décentrer un peu des choses, Oui, largement. Parce qu'on s'est toujours mis... Toujours au milieu, parce qu'en fait, la Terre était au milieu, puis ensuite, on était au milieu de la galaxie. Même au début de 1930, on croyait qu'on était au centre de la galaxie. En fait, tout ça, c'est une question de poussière. On n'avait pas pensé que la poussière nous cachait un peu toutes les étoiles, et on pensait que c'était juste autour de nous, quoi. Ouais. Et finalement, à chaque fois, on pensait qu'on était au centre de l'univers, mais pas du tout. Alors, on a un nouveau membre du club d'astronomie du collège François Giroux avec nous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Quel est ton prénom ? Louise. Louise, on t'écoute. Moi, je voulais savoir, si jamais on sort de la galaxie, donc on se retrouve dans un univers, mais est-ce que, par exemple, l'univers, ça pourrait être plein d'univers qui sont genre toujours... Oui, alors, quand on sort des galaxies, on va retrouver d'autres galaxies, de toute façon. Et puis ensuite, notre univers, il est plus grand que l'horizon, ça on le sait. Parce qu'on a regardé dans le passé, on a vu qu'on avait des galaxies au-delà de l'horizon. Alors maintenant, la question que vous posez est peut-être celle, est-ce qu'il y a d'autres univers? Et en effet, l'intérêt de l'inflation... Ça vous l'abordez à la fin du livre. Voilà, ça c'est très spéculatif, c'est pour ça que c'est vraiment vers la fin, parce que c'est pas du tout certain. Mais si l'inflation est vraie, l'inflation n'arrive pas à l'arrêter partout. Donc il y a certains endroits où elle s'arrête et elle forme un univers, mais ensuite dans le reste de l'espace elle est toujours en expansion, donc le vide s'expand de façon exponentielle. Donc les univers, s'ils s'en créent plusieurs, ils ne se verront jamais, ils s'éloignent de façon exponentielle l'un des autres, donc il n'y aura aucune causalité entre les deux. Il peut y avoir une infinité d'univers. Oui, ça c'est une spéculation. Une spéculation totale. De toute façon, on ne pourra jamais le vérifier vu qu'on n'est pas connecté. Mais c'est quoi la différence entre l'expansion de l'univers et l'inflation, alors Alors l'inflation, bien la nuance. C'est complètement différent parce que l'expansion, c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est très lent. Il faut 13 milliards d'années pour avoir l'univers que nous avons. Par contre, l'inflation, ça dure 10⁻³² secondes. Ouais. Et on passe d'une taille, mettons 1, à 10⁻³. En 10⁻³ secondes. C'est quand même énorme. Alors que l'expansion, on la voit pas presque. On n'arrive pas à la mesurer tellement. Donc c'est l'ordre de grandeur entre l'inflation et l'expansion, c'est complètement différent. Bon, tu as la réponse à ta question à peu près, Louise. C'est compliqué, ces histoires d'univers, quand même. Tu es d'accord, Qu'est-ce que vous observez d'ailleurs dans votre club? Qu'est-ce que vous faites comme type d'activité, Elisa, par exemple? On observe le système solaire. Ouais. On observe ce qu'il disait avant sur le système solaire. Oui. Et donc, le système solaire, finalement. C'est au cœur de vos travaux en ce moment et de vos observations. Françoise Combes, qu'est-ce qu'on attend des prochains satellites? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Justement, on est en train de lancer un satellite qui s'appelle Euclide. Enfin, l'Europe, on lance, et la France est dans le premier pays. Ouais. C'est pour quand? 2021. Ah oui, c'est bientôt. Ouais. Bientôt. Et donc ce satellite est là pour savoir ce qu'est l'énergie noire. Donc pourquoi On va enfin avoir la réponse alors. Voilà, on espère. Donc il y a le lancement en 2021, mais on le saura quand. Alors il va pendant 5 ans, il va essayer d'avoir la position et la vitesse de 12 milliards de galaxies. 12 milliards. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur 300 milliards. Parce que pour l'instant, nous en avons qu'un million. Les vitesses. Ah oui, donc ça va quand même multiplier beaucoup les connaissances. Exactement, par 12 000. Donc on va avoir 12 milliards de galaxies. Ça permettra à chaque instant de l'univers d'avoir la courbure et le degré d'expansion. Et on pourra savoir si l'expansion est accélérée de façon dynamique ou si c'est une constante cosmologique. Ça va être intéressant. Donc ça, c'est la prochaine échéance importante. Le prochain satellite européen. Et il y en aura d'autres certainement ensuite, évidemment. Merci beaucoup, Françoise Combes, d'être venue. On peut l'applaudir d'ailleurs parce que ça nous a fait très plaisir de l'avoir parmi nous aujourd'hui autour du Big Bang, et c'est un livre que vous signez et qui paraît donc aux éditions Que sais-je. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. La science grand format en partenariat avec France 5. Et ce soir, science grand format, la science de l'alpinisme avec les conquérants des sommets. Et on en parle avec vous, Emmanuel Sudre. Bonjour. Bonjour. Puisque vous avez chaussé vos crampons pour réaliser ce film. Dans ce voyage scientifique, donc au plus haut des cimes, on découvre que l'alpinisme est né grâce à la science, notamment avec la première ascension du Mont Blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant très longtemps, les montagnes sont restées un univers hostile dans lequel on s'aventurait assez peu. Et au milieu du XVIIIe siècle, il y a un savant suisse qui s'appelle Horace Bénédicte de Saussure, qui est un naturaliste un peu touche-à-tout et qui tombe amoureux du Mont Blanc et qui veut absolument gravir le Mont Blanc, atteindre le sommet pour y mener des expériences scientifiques. Et en fait, il va dans la vallée de Chamonix et il promet une récompense à qui lui ouvrira la voie vers le sommet. Ouais. Et donc il y a une rude compétition, vraiment, et il va falloir être patient parce que il fait cette demande en 1760, et il arrive seulement, lui, en 1787, un an après que les premiers, Paccard et Balma, ont ouvert la voie en 1786, qui sont arrivés en haut du Mont Blanc, et lui, l'année d'après, il va monter en haut du Mont Blanc et il va y faire tout un tas d'expériences. Et c'est vrai que les premières ascensions, elles ont toujours été faites pour mesurer des températures d'ébullition, ramasser des échantillons, etc., etc. Et donc, la science et l'alpinisme, oui, dès le départ, sont vraiment intrinsèquement liés. Alors, pour explorer la montagne, mais aussi l'aménager, hein, les hommes, et notamment les ingénieurs, ont relevé des défis absolument incroyables, comme on va le voir dans le film ce soir. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi au-dessus de Chamonix, c'est un projet complètement fou. On écoute un extrait du doc. C'est un projet à la fois ambitieux et sublime. L'Aiguille du Midi, c'est un sémaphore sur Chamonix, à presque 4000 mètres d'altitude. Et le but d'atteindre ce sommet, qui en plus a une forme emblématique, montre bien tout l'imaginaire, tout le symbolique et tout le courage des gens qui l'ont entrepris. Qui a eu l'idée de ce projet? C'est un Italien, Dino Loratottino, qui est l'auteur du projet de nouveau téléphérique, dont le tracé a été imaginé par un autre ingénieur français, Marcel Auvert. C'est des ingénieurs à la fois totalement visionnaires, parce qu'à l'époque, 3 km de portée atteignant 3770 mètres d'altitude était jugé par les ingénieurs et par certains chamaniards qui connaissent bien la haute montagne comme infaisable. Et en bon entrepreneur qu'ils étaient, ils ont foncé et ils se sont dit « on peut y arriver, on va y arriver ouais. ». Ça, c'est vraiment passionnant dans le film parce que c'est totalement dingue, hein, tout ce qu'on a pu faire en installation pour aller au plus haut. Mais sans compter que le téléphérique de l'Aiguille du Midi, il existait déjà un téléphérique, ouais, mais celui-là, c'était un prolongement et puis on voulait monter plus haut, et ce projet est complètement fou. Et il a été construit à main d'homme. Ouais. Il n'y avait pas l'hélicoptère, hein, donc il fallait monter les sacs de ciment, il fallait passer toute une partie de l'année à installer, à forer, etc. Et c'est un projet d'ingénieur, mais ça a été fait par des ouvriers. Et ces, ouais, ouvriers, ils étaient surnommés par un journaliste de Chamonix, les araignées du ciel. Et c'est assez joli, ouais, et c'est bien leur rendre hommage, parce que c'était vraiment, vraiment des risques fous, quoi. En quoi l'histoire de la conquête des plus hauts sommets du monde, comme l'Everest, hein, avec ses 8848 mètres, est aussi une histoire de dépassement de soi, Emmanuel Sudre, l'extrême limite du corps humain capable de tout supporter. C'est surtout... Moi, j'ai rencontré des alpinistes en faisant ce film, notamment Reinhold Messner, qui a gravi les 14 sommets de plus de 8000 de la planète, ouais, sans oxygène. Et en fait, c'est des gens qui sont différents de nous, c'est pas des gens qui sont comme nous. Il y a une fascination. La montagne, c'est magique, c'est magnifique. Et il y a cette idée d'y aller absolument et jusqu'au bout. Et Reinhold Messner raconte ça très bien. C'est l'art de la montagne, c'est aller jusqu'à risquer sa vie, mais sans la perdre. C'est ce qu'on verra ce soir. Hein. On va vous suivre, justement, vous qui avez réalisé ce film. Ça s'appelle « Les conquérants des sommets ». C'est dans Science Grand Format, à partir de 20h50 sur France 5 ce soir. Merci, Emmanuel Sudre. Merci. À bientôt.